Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Bonjour à tous et bienvenue dans Feu de camp. Êtes-vous déjà tombé amoureux d'un endroit ou d'un pays? Le concept peut paraître étonnant, mais cela arrive pourtant. Pour certains, c'est un coup de foudre. Pour d'autres, c'est comme une sensation d'appartenance instinctive à un lieu. Florine est tombée amoureuse de l'Indonésie lors d'un premier voyage à Bali avec ses parents. Des années plus tard, elle y revient à nouveau, cette fois pour visiter Flores, une petite île de 360 km qui fait partie des îles de la Sonde. Et c'est ce qu'elle nous raconte aujourd'hui. Je m'appelle Florine, j'ai 28 ans et j'habite à Paris. Alors moi, je suis originaire de Chartres, en Eure-et-Loire, et je travaille dans la communication. J'ai voyagé tôt. Il y a eu un petit creux parce que j'ai eu un petit frère, donc il y avait deux enfants en bas âge. On a pu voyager. Et ensuite, j'ai eu un autre petit frère. Et voilà, la vie a fait qu'il y a eu des problèmes de santé, des choses comme ça dans ma famille. Et on a arrêté de voyager pendant une dizaine d'années. Et on a repris les voyages quand j'ai été plus à l'adolescence, donc quand j'avais 15-16 ans. Mes parents nous ont emmenés en Grèce, ensuite aux États-Unis, à Bali. Mais du coup, je dirais que le voyage, je l'ai quand même découvert plus à ma début de vie d'adulte, enfin en tout cas à la fin de mon adolescence, début de vie de jeune adulte, quoi. Et du coup, quand j'étais en âge de partir voyager toute seule, donc c'est-à-dire à 18-19 ans, j'ai carrément décidé de faire une pause dans mes études, en fait, entre ma licence de droit et mon master, pour partir voyager un an en Australie, en Asie, voilà. Alors en fait, je vais parler de mon voyage sur l'île de Flores, donc qui est une île d'Indonésie. Alors pourquoi l'Indonésie? Parce que j'y suis allée une première fois avec mes parents en 2009. J'y suis retournée en 2013, lors de mon année sabbatique. J'en ai profité pour retourner à Bali parce que j'ai été vraiment tombée amoureuse de cette île et plus généralement de l'Indonésie. Et en 2018, quand s'est posé la question avec mon copain de quel voyage on allait faire, et ben on a décidé de... Enfin, j'ai décidé de lui faire découvrir l'Indonésie. Donc Bali, une troisième fois pour moi, mais ça me tenait vraiment à cœur non seulement d'y retourner et puis de lui faire découvrir, et aussi de découvrir d'autres aspects de ce grand pays qu'est l'Indonésie. Et c'est comme ça qu'on s'est tourné vers l'île de Flores, donc qui n'est pas encore très ouverte au tourisme, qui est très différente des autres îles, puisque c'est la seule qui est composée en grande majorité de catholiques, alors que l'Indonésie, c'est le premier pays musulman du monde. Et on n'a pas été déçus du voyage. On a pris nos billets et on s'est soucié quelques semaines avant de partir de comment on allait s'organiser sur place. On aime bien se laisser un peu porter, tu vois, prendre des sacs à dos et se laisser porter par les découvertes. Alors, en revanche, à Flores, on a quand même essayé de cadrer un petit peu les choses parce que le tourisme n'est pas encore très développé, les routes elles sont super escarpées. On nous a conseillé de contacter un guide local, c'est ce qu'on a fait, donc un guide qui s'appelait Ryan, qui était génial, qui nous a accueillis à l'aéroport avec son cousin qui s'appelait Manto, qui lui conduisait la voiture, et puis qui nous a accompagnés jusqu'à la veille de notre départ de Florès. En fait, on a vécu avec lui et avec Manto pendant toute la semaine. Et du coup, on a encore moins préparé ce voyage puisqu'on s'est complètement laissé porter. On a fait confiance au guide qui nous a emmenés dans des endroits que je pense on n'aurait pas expérimenté en fait sans être accompagné d'un local. Alors nous, il faut savoir que ça faisait déjà 4 jours qu'on était à Bali. On avait un avion très tôt le matin, je crois, qui partait de Bali. On a fait escale sur l'île de Sumba, dans une ville qui s'appelait Tambolaka. Et alors là, c'était le bout du monde, je pense. C'était une toute petite île, il n'y avait absolument rien dessus. C'était comme une gare, en fait, de campagne chez nous, quoi. Il y avait un petit hall d'embarquement et c'est tout, et un petit restaurant, et autour de nous, le désert hyper aride, tout sec. Et ensuite, on a repris un avion qui nous a emmenés à Florès, donc un petit avion, enfin un autobus, quoi. Il devait y avoir 40 places dans l'avion. Et on est arrivé à Ndé, donc pareil... un petit aéroport, tu vois, ça fait un peu gare de ville de province. Sinon, première impression, plutôt bonne. Enfin, en fait, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une bonne ou mauvaise impression. J'étais vraiment là pour me laisser porter et découvrir et faire confiance au guide, donc Ryan, qui nous a accueillis à la sortie de l'aéroport avec son cousin Mento. Il nous attendait sur le trottoir en face de là où on récupérait les bagages avec sa clope au bec. Et voilà, tu vois, c'était hyper naturel, c'était détendu. Il n'y avait pas de chichi, en fait, dès le début. On s'est bien entendu et tout de suite, on a pris la route. On a roulé vers Moni pour commencer l'aventure, quoi, dès le premier jour. Moni, c'est un village dans les montagnes qui est connu pour le volcan Kelimutu, en fait. Et on est arrivé à Moni dans une guest house hyper rustique, en fait. C'est là que je me suis dit, voilà, je voulais me déconnecter, je voulais un truc, un voyage un peu roots. Je l'ai, quoi. On est arrivé dans la guest house, donc déjà, il faisait nuit noire parce que la nuit, elle tombe tôt là-bas. Et on nous a amené vers un espèce de bungalow. Je dis espèce de bungalow parce qu'il n'y avait même pas de sol uniforme. Enfin, tu vois, c'était hyper instable avec juste un matelas posé par terre. Même pas de drap, je crois, dessus. Une moustiquaire. Et derrière, un petit espace muré, mais en extérieur et avec un grand bac, enfin une poubelle en plastique, quoi, une grande poubelle en plastique remplie d'eau avec une casserole dedans, et ça c'était notre douche. Et puis à côté il y avait un trou, c'était nos toilettes. Et moi ça a vraiment marqué le début de notre voyage à Florès, et c'est là que je me suis dit, mais en fait je pensais qu'il y a des choses que je supporterais pas, et je me rends compte que je les supporte et que j'en garde des bons souvenirs, quoi. Elle a été courte la nuit parce qu'on s'est levé à 3h45 pour partir vers le volcan Kelimutu. On avait un petit peu de voiture à faire. Après, l'ascension du volcan en soi, elle n'est pas très longue et pas dure. Il faut savoir que c'est un peu un immanquable quand tu vas à Florès. C'est le passage obligé. Alors, c'est touristique, mais ça vaut le détour. Enfin, bah, tu arrives de nuit et le jour se lève petit à petit. Et en fait, ça dévoile 3 lacs côte à côte sur le sommet du volcan. Le jour se lève et d'un seul coup tu vois le premier lac qui est bleu un peu turquoise, bleu clair. T'en as un juste à côté collé qui est plutôt foncé, enfin vert foncé, et t'en as un derrière qui est plutôt rouge noir. Et dans la culture de Florès, ces lacs qui représentent chacun. Alors, il y a un lac qui représente les enfants, enfin la jeunesse, il y en a un qui représente la vieillesse, et l'autre qui représente un peu la magie, enfin quelque chose de plus irréel, quoi. Et j'ai appris que ces lacs, enfin les couleurs, elles varient avec les années. Ouais, c'est un endroit assez mystique. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'était vraiment la journée des émotions, parce que, et puis c'était le premier jour à Florès, donc tout découverte. On est allé dans un village pas très loin qui s'appelle Wolotopo, et qui est l'un des derniers villages traditionnels de Florès. Donc là, en fait, on est arrivé, on s'est garé sur un parking et le village, il était vraiment en hauteur. Et donc là, on est rentré, on s'est introduit dans les petites ruelles du village. Alors au début, c'est assez perturbant. Dans leur culture, les gens enterrent leurs morts, leurs défunts, devant leur maison, enfin dans leur jardin. Donc en fait, tu te balades dans Florès en voiture, quoi, tu vois des sépultures devant toutes les maisons quasiment. Puis voilà, on poursuit la balade, on voit des femmes qui tissent. Toute la journée, elles sont assises par terre et elles tissent, et après elles vendent leur production. On arrive en bas d'un escalier et on voit des traces rouges, noires, tu vois, sur l'escalier. Là, notre guide Ryan nous dit « Ah, il y a dû avoir un événement hier où, il n'y a pas longtemps, ils ont sacrifié un animal. » En fait, c'était ces traces rouges-noires, c'était un animal qui avait été sacrifié, en effet, la veille, parce qu'il y avait eu un mariage au sein du village. Alors, je devrais peut-être pas le dire, mais c'était des sacrifices de chiens. Alors à Florès, on mange du chien. Donc nous, on a toujours fait très attention à ne pas manger de chien, et quand on savait pas trop ce que c'était, on prenait pas le risque d'en manger. Mais là-bas, ils mangent les chiens et ils sacrifient les chiens pour les cérémonies. Faut le savoir, quoi. Tu te balades, tu vois des petits chiots en train de jouer, et tu sais que qui vont finir incessamment sous peu dans une assiette, quoi. C'est un peu particulier. Moi, j'ai un chien chez moi. Oh, there, how's it too? The white color. Oh. There, five. There is a lot of meals. A lot of meals, yeah. A lot of meals. Ça fait mal au cœur, et en même temps, c'est la culture. Enfin, c'est choquant au début, et après tu t'y fais, et en fait tu rencontres des gens tellement gentils que tu dis mais c'est juste leur culture, en fait, et tu viens pour la découvrir et pour l'accepter. Et donc là, on est arrivé devant l'entrée de la maison qui dominait le village, et c'est là que se passent tous les grands événements du village. Alors quand on est arrivé devant la maison, il y avait, je dirais, peut-être une trentaine, quarantaine de personnes. Les femmes d'un côté, qui étaient en train de faire à manger, faire nettoyer la vaisselle, et les hommes qui étaient en train de discuter, de parler entre eux, de manger. Et tout de suite, les gens, en fait, sont venus communiquer avec nous. Et ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, mais on est au bout du monde, dans un village traditionnel, et les mecs nous ont quand même demandé d'où on venait. On a dit France, et ils nous ont dit « Ah, Paul Pogba !» ou Kylian Mbappé. Enfin, ils connaissaient. En plus, on venait de gagner la Coupe du Monde en France, et je me suis dit « C'est fou, quoi. Ils connaissent, ils ont rien ici. Ils vivent tous dans la même maison. Je sais pas s'ils ont Internet ou quoi, mais par contre, ils connaissent l'équipe de France, quoi. Ça nous a fait marrer. Du coup, ils étaient contents de nous voir. Je dirais pas que les gens communiquent facilement. Ils viennent pas forcément spontanément vers nous. Ils sont assez observateurs au début. En revanche, ils sont ouverts quand nous, on va vers eux. Mais ils répondent, ils rigolent, ils disent deux, trois choses. Mais il y a toujours la barrière de la langue, parce que c'est des villages dans lesquels les gens parlent pas anglais. Donc, et nous, bah, on parle pas la langue de Florès. Donc, Après, on a pris la route pour rejoindre la deuxième ville dans laquelle on allait passer la nuit, qui s'appelait Riang. Sur le chemin, on s'est arrêté sur une plage qui était assez incroyable parce que c'était une plage de sable noir. Elle s'appelle Bluestone Beach, cette plage, parce que elle est constituée de galets bleus et verts. Et c'est super joli. Enfin, on voit pas ça partout, quoi. Et on est arrivé à Riang pour notre deuxième nuit. Donc Riang, encore un village un peu paumé, et il y a un ou deux hôtels, enfin c'est même pas des hôtels, c'est des guest house, qui sont autour d'un générateur électrique. Donc en fait, tu dors à côté d'un bruit, mais assourdissant, quoi. Et en fait, je pense qu'il y avait aussi toutes les émotions, les visites, le fait qu'on se soit levé à 3h45 la veille. J'ai super bien dormi. Avec le générateur électrique à côté, donc qui te résonnait dans le matelas, mais je sais pas, on a passé une nuit, une super bonne nuit, quoi. Donc après cette, contre toute attente, bonne nuit à côté du générateur électrique, on s'est levé assez tôt pour partir passer une journée de croisière. C'était dans un petit bateau, on était quatre, un petit bateau traditionnel en bois. Et enfin, on a navigué entre ce qui s'appelle là-bas les 17 îles. On a fait beaucoup de snorkeling. C'est d'ailleurs, c'est l'endroit où j'ai vu les plus beaux coraux, quoi. Flores, c'est encore très préservé. Enfin, on a passé des heures et des heures à nager au milieu des poissons, enfin des anémones. On a vu plein de poissons clowns, plein d'espèces différentes. Enfin, c'était incroyable. J'ai pas le souvenir de toutes les îles, mais il y en a certaines qui m'ont marqué plus que d'autres. Alors il y en a une, et en fait il y a des milliers et des milliers de chauves-souris qui ont élu domicile sur ce petit îlet. T'as vu, c'est ouf. You know, in the mountain, they fly into the town of the Rio, they find some fruit. Okay. Wow. Looking. Oh la la la la. Mais ça, c'est vraiment une île qui m'a marquée. On est allé aussi déjeuner sur une petite île déserte. C'était un super moment parce qu'on était tout seul. Ils avaient préparé un lunch, donc ils avaient des poissons, ils ont fait un petit feu de camp, et ils ont fait griller le poisson directement sur le feu. Enfin, tu vois, on a mangé là tous les quatre, coupés du monde, coupés de tout réseau téléphonique, de tout ce qu'on veut, et j'avais un peu l'impression de vivre mon Koh-Lanta, quoi. C'était... Et le lendemain, on a pris la direction d'une autre ville qui s'appelle Badjawa. Sur le chemin, on s'est arrêté dans un endroit assez dingue, où l'eau volcanique, enfin les sources d'eau chaude volcanique et les sources d'eau froide se rencontrent dans le même cours d'eau. Beaucoup de locaux viennent se... D'ailleurs, surtout des locaux viennent se baigner là, viennent se laver. Ils arrivent avec leur savon et ils se lavent pendant que nous, on se baignait à côté. Et en fait, tu te baignes dans un cours d'eau, et selon l'endroit où t'es dans le bassin, t'as de l'eau très chaude ou de l'eau froide. Et quand t'arrives à trouver l'intermédiaire, bah, tu peux avoir un bras dans l'eau chaude et un bras dans l'eau froide. Enfin, c'est un endroit assez dingue. Un point quand même assez négatif ou décevant du voyage, je dirais, c'est la saleté, en fait, qui règne partout sur l'île. Enfin, on sent que les préoccupations écologiques, ils en sont pas du tout là encore. Et tout à l'heure, je parlais des plages sur les 17 îles. On a passé je sais pas combien de temps à ramasser des déchets, mais c'est même pas des petits déchets, c'était des poignées. Il aurait fallu qu'on vienne avec des sacs... des sacs entiers. Donc de temps en temps on en ramassait un petit peu, mais on pouvait pas tout ramasser. Et dans les sources d'eau chaude, c'était pareil. Enfin, il y avait sur les côtés des bassins plein de plastique, de gâteaux, d'objets, enfin des trucs qui sont ramenés là par les courants. Et c'est ici en Europe, on est sensibilisés à ces questions-là, mais là-bas, ils sont pas sensibilisés. Et on peut même pas leur reprocher parce que il y a aucune pédagogie qui est faite sur la propreté, l'environnement, la pollution. Enfin, c'est vrai que ça, c'est quand même un point négatif de Florès, c'est la saleté. On a repris la route et on est allé vers une autre ville qui s'appelle Badjawa. Et ce que je retiens de Badjawa, c'est de m'être baladée dans la ville et d'avoir vu une église et une mosquée sur la même place, qui était face à face. Et donc on a visité et l'église et la mosquée dans la même demi-heure, quoi. Et donc le lendemain, on est parti de Badjawa et on est allé faire une randonnée pour visiter plusieurs villages typiques de Florès. C'était encore différent de Wolotopo, c'était encore un level au-dessus dans l'authenticité. Parce que c'est des villages bâtis en U, donc autour d'une place de village, et les toits des maisons sont en paillotte, enfin en paille. C'est des villages assez coupés du reste de l'île, qui sont difficiles d'accès, qui sont loin d'une grande ville. Tout ça avec évidemment les sépultures devant les maisons au milieu du village. Et ce que je retiens de ces villages-là, c'est la place du village avec trois espèces de plateformes. C'était des villages dans lesquels il y avait encore des mariages arrangés aussi. Et la tradition voulait que trois jeunes filles se cachent dans les petites maisonnettes, les petites huttes. Et le mari choisit sa femme parmi les trois qui se présentent en fait sur ces plateformes-là, quoi. Alors, c'est ce qu'on nous a expliqué. Je ne sais pas si dans les faits, il se passe encore ce genre de rituel et de cérémonie, mais en tout cas, nous... On nous en a parlé comme quelque chose d'encore actuel, quoi, dans ces villages-là. Alors, il y a une rencontre qui m'a marquée. C'est avec une vieille dame qui tissait devant sa maison, avec qui on a commencé à discuter, parce qu'il y a la barrière de la langue, mais en tout cas à échanger. Enfin, on a commencé à sourire. Et en fait, elle nous a demandé de nous asseoir et elle nous a offert le thé. Elle a disparu dans sa maison et elle est sortie avec un plateau, avec trois tasses de thé pour nous, alors qu'elle avait plein de choses à vendre, on lui avait rien acheté, on n'avait pas du tout entamé de négociation ou même manifesté d'intérêt, tu vois, pour une des choses qu'elle vendait, et elle nous a spontanément offert le thé. Et on est resté avec elle peut-être une demi-heure à communiquer comme on pouvait... Et ça, ouais, ça reste un moment, enfin une belle rencontre de cette journée-là, de ces visites-là. Et au final, on a fini par lui acheter un tissu, évidemment. Après ça, on a repris une longue route jusqu'à Éméré, un village côtier. On s'est retrouvé dans un bungalow vraiment sur la plage. Donc toujours des trucs assez rustiques, hein. Et je me souviens très bien de cette soirée parce qu'on est arrivé dans ce bungalow et on se baladait au bord de la plage. Donc on voyait les volcans au loin, c'était magnifique. Et on a vu un groupe de peut-être une dizaine de garçons. Alors ça allait de 7 à 18 ans, je dirais, au loin et s'approcher de nous. On était posés au bord de la plage et puis ils sont arrivés près de nous, puis ils étaient un peu timides, ils osaient pas trop discuter avec nous, et puis ils ont vu que on était quand même ouvert à la discussion. Enfin bref, la discussion a fini par s'engager et en fait un des plus âgés, donc un ado, nous a dit en fait on voulait savoir si on pouvait se baigner avec vous. Et du coup, on a dit oui. Alors moi, je voulais pas me baigner. Enfin, j'avais pas mon maillot de bain, mais Emeric, il avait son maillot de bain. Et Et du coup, il voulait juste savoir s'il pouvait partager ce moment en fait avec Emmerich. Et là, c'était un super moment parce que ils ont tous fait la course. Enfin, moi, j'avais fait une ligne dans le sable, tu vois, et j'ai dit 3, 2, 1, et c'était celui qui serait dans l'eau le premier. Et il y avait des enfants, il y avait des ados. On a passé une heure avec eux sur la plage. Un des ados nous a dit qu'il apprenait l'anglais à l'école et que leur prof leur disait, quand vous voyez des touristes, allez les voir et allez partager des moments avec eux et allez discuter avec eux, ça vous entraîne à parler anglais. Et c'était aussi pour ça qu'ils venaient nous voir. Enfin, c'était un super moment. On a fait des photos avec eux. Les petits, ils étaient super contents. On leur montrait nos photos, nos vidéos. Enfin, c'était top comme moment. Et ensuite, on a pris la route vers une ville qui s'appelle Ruteng. Et dans cette ville, alors on s'est pas mal baladé dans la ville. On a visité une cathédrale comparée à celle de chez nous. En fait, elles sont beaucoup moins impressionnantes, mais c'est quand même intéressant de voir à quoi ressemble une cathédrale là-bas. Et pour la petite histoire, quand on a visité cette cathédrale, il y a des gens qui étaient en train de préparer une cérémonie de mariage qui allait avoir lieu l'après-midi. Et donc la dame nous a proposé, si on le souhaitait, de venir assister au mariage l'après-midi. Donc nous, on était plutôt emballés, enfin surtout moi. Il y avait une place devant la cathédrale où il y avait un tournoi de volley. Donc plein de jeunes qui jouent au volley. Et d'ailleurs, Emmerich a partagé une partie de volley avec une des équipes pendant quelques minutes. Et donc l'après-midi, on est allé assister à ce fameux mariage et en fait, c'était un peu le plan galère parce que nous, on s'attendait à un truc hyper, hyper, hyper chaleureux, enfin à découvrir un truc atypique. Et au final, on s'est retrouvés dans une cérémonie hyper longue où on comprenait rien, où les gens venaient pas forcément, nous prêtaient pas forcément... attention, et on a fini par partir de la cérémonie parce qu'on sentait qu'on n'était pas intégrés dans les invités. Et alors ce même jour, on s'est un petit peu éloigné de Ruteng. On a fait peut-être 45 minutes, une heure de route pour visiter la grotte Homo Florentis. En 2003, on a découvert des fossiles et du coup l'existence de ce primate, donc qui était un intermédiaire entre le chimpanzé et l'humain, enfin un petit humain d'1m10 avec un squelette qui se rapprochait vraiment de l'humain actuel. Et ça, c'est des choses qui ont été découvertes dans cette grotte en 2003. Le jour suivant, on a quitté Ruteng, pris la direction de Laban Bajo. Sur le chemin, on s'est arrêté voir les fameuses rizières en toile d'araignée. Donc c'est un truc qu'on voit qu'à Flores, ou en tout cas dans pas beaucoup d'endroits dans le monde. Et en fait, quand on prend de la hauteur, on peut observer ces rizières, et qui sont vraiment en forme de toile d'araignée. Enfin, c'est assez sympa de voir ça. On a repris la route et vers Laban Bajo, donc qui est la capitale, il me semble, de Flores. Et c'est là qu'on a dit au revoir à Ryan et Manto, avec qui on avait passé toute la semaine. C'était là que notre aventure s'arrêtait ensemble. À Laban Bajo. Alors Laban Bajo, faut savoir que c'est un petit peu différent, ça a été un peu différent de tout le reste de notre voyage à Flores, parce que c'est un petit peu la métropole, enfin c'est plus grand, les gens sont plus habitués à voir des étrangers, ils sont un petit peu moins avenants, c'est plus esprit grande ville quoi. On a passé la soirée là-bas et le lendemain, on s'est levé très tôt pour prendre le bateau à 6h. On est allé à Komodo Island. Donc c'est le parc naturel, c'est une île qui est un parc naturel sur lequel on retrouve tous les dragons de Komodo, parce que Flores est connu pour ça, pour abriter les dragons de Komodo. Bon, ça, c'est un petit peu la curiosité touristique. Enfin, c'est à faire parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où on peut voir des dragons de Komodo. Après, c'est pas l'endroit le plus authentique de Florès. C'est là où tu retrouves pas mal de touristes. Tout est organisé pour la balade touristique. Mais c'était super cool parce que t'arrives sur cette île et tu t'inscris au début sur un registre au cas où tu te fasses manger par un dragon. Et alors c'est assez marrant parce que t'arrives là, tu flippes un peu. Enfin, c'est quand même des dragons de Komodo, quoi. Ils déconseillent aux filles qui ont leurs règles de débarquer sur l'île parce que justement l'odeur du sang, les dragons, ils sont relativement zen. En tout cas, ceux qui sont aux abords des chemins sur lesquels passent les touristes. Mais apparemment, il ne faut pas trop les chauffer avec du sang parce qu'ils peuvent retrouver... Enfin, ils peuvent... leur instinct animal peut faire que tu te mets potentiellement en danger, quoi. Et le soir on est revenu sur la terre ferme, à la Banbajo. Et on a passé la soirée avec tous les gens qu'on avait rencontrés, en fait, la journée sur la croisière. Donc on était une petite dizaine, tous du même âge, de toutes les nationalités, et on s'est retrouvés au fish market. Donc c'est le marché aux poissons, et donc il y a plein d'étals, il y a plein de stands, et en fait tu vas choisir ton poisson, moi j'avais pris du calamar, tu choisis ton produit, et après ils te le cuisinent, et ils te l'amènent à table. C'est génial, enfin, c'est une de mes meilleures soirées là-bas, là, avec toute l'équipe. On s'est tous raconté nos anecdotes de voyage. Voilà, et ben, c'est la dernière soirée. Le départ le lendemain matin, il a été assez mythique, puisque non seulement on s'est planté sur l'horaire de l'avion d'une heure, et on courait dans les rues à chercher un taxi, à trouver le premier taxi qui allait pouvoir nous emmener à l'aéroport, et... on a fini par trouver au bout de quelques minutes. On est arrivé pareil en courant devant le comptoir. Et là, Emmerich s'est rendu compte qu'il avait perdu son passeport. Et heureusement, je ne sais pas si ça se serait passé pareil dans d'autres pays. Mais comme c'est un tout petit aéroport, avec peu de départs, un endroit vraiment à taille humaine, et ben, il a sorti la photocopie de son passeport et c'est passé. Donc il a pris l'avion, il a quitté l'île sans passeport. Moi, en y allant, je savais pas à quoi m'attendre. J'étais allée deux fois à Bali. Enfin, j'étais vraiment focus sur Bali. J'adorais Bali, etc. Et au final, bah, j'ai découvert un aspect de l'Indonésie que je connaissais pas. Et après, j'ai regretté de pas y avoir passé plus de temps à Florès. Il y a tellement peu de gens qui y vont, il y a tellement peu de gens qui connaissent, et c'est tellement singulier comme île que j'arrive pas, là je le raconte, mais j'arrive pas à exprimer et à faire ressentir aux autres ce que j'ai vraiment ressenti sur place, parce que c'est un truc qui se vit, et la force que ça a représenté, moi, dans mon esprit, enfin dans notre esprit, les souvenirs que ça nous a laissés, enfin les chocs culturels qu'on a pu ressentir... En même temps, ça tend à s'ouvrir un petit peu au tourisme quand même. Puis alors, là, avec les séismes qu'il y a eu en Indonésie ces dernières années, et ben, du coup, ces touristes se reportent petit à petit sur Florès. Donc, bah, pas après pas, ça commence un petit peu à s'ouvrir au tourisme. Et donc, je suis partagée parce que je me dis, en même temps, il faut que les gens, découvrent cette île parce qu'elle est super. Et d'un autre côté, il faut que ça garde son authenticité et du coup que ça s'ouvre au tourisme, mais pas trop, quoi. Mais après, ce que Ryan nous a dit là-bas, c'est que certes, il y avait une politique d'ouverture au monde, de développement du tourisme, mais que il y avait une vraie volonté quand même de préserver l'authenticité et de, je sais pas, à voir avec les années, mais a priori, ils sont pas trop dans une démarche de tourisme de masse. Ce que je garde aussi en mémoire, c'est la gentillesse des gens. Enfin, c'est vraiment... Et puis j'en ai fait pas mal des pays, j'ai pas mal voyagé. Enfin, et vraiment, enfin, Florès, c'est l'île sur laquelle j'ai rencontré les gens les plus souriants, les plus avenants, les plus les plus sincères en fait dans leur démarche. Enfin, c'est vraiment ça que je garde au-delà des paysages. L'île en elle-même, c'est très, très aride. Enfin, c'est pas les paysages les plus dingues que j'ai pu voir dans ma vie. Bon, c'est pas pour ça que tu vas à Florès, mais par contre, c'est pour la gentillesse de la population, l'ouverture qu'ils ont, leur sourire. Enfin, c'est vraiment ce que je garde de ce voyage-là, quoi. Déjà, je garde un ami, parce que Ryan, ben, on est encore en contact, on se donne des nouvelles sur Facebook. En plus, il est hyper connecté, il adore ça. En fait, le voyage, c'est vraiment un objectif de vie. Moi, je travaille pour gagner de l'argent, pour me payer des voyages. Enfin, c'est vraiment le sens de ma vie, c'est justement d'aller découvrir le monde et de sortir, alors d'aller visiter la France, bien sûr, parce qu'il y a plein de belles choses à voir chez nous, mais surtout d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs, donc proche de chez nous ou plus loin sur d'autres continents, et aller s'approcher de d'autres modes de vie, d'autres cultures, d'autres manières de voir le monde, enfin, et dans notre construction d'adulte, enfin, c'est pour moi fondamental d'aller bah, de sortir de sa zone et d'aller voir comment vivent les gens ailleurs, comment est l'architecture ailleurs, comment sont les paysages ailleurs, les climats. Enfin, c'est ce qui permet aussi, nous, de donner un sens à la manière dont on vit et de comprendre même la manière dont fonctionne notre pays. Enfin, moi, je trouve ça devrait presque être obligatoire, en fait, de prendre une année sabbatique pour les étudiants en France et d'aller s'ouvrir un peu au reste du monde, parce que je trouve que dans notre construction, ça nous apporte beaucoup. Merci à Florine de nous avoir fait découvrir à nous aussi l'intrigante île de Florès. Comme d'habitude, je partage avec vous ses recommandations culturelles. Florine s'intéresse beaucoup à la Seconde Guerre mondiale et à la montée du nazisme, une période qui la terrifie autant qu'elle l'interroge. Elle a donc choisi de vous faire découvrir ces événements dramatiques avec une sélection de lectures issues des nombreux récits qu'elle a lus à ce sujet. Elle commence avec une bande dessinée appelée Le Triangle Rose, parue aux éditions Cadran, qui parle de la montée d'Hitler au pouvoir et de l'exportation des homosexuels vers les camps de concentration à la fin des années 30. Les homosexuels ont été parmi les premiers à être exportés dans les camps, et pour y être bien identifiés, ils devaient porter un triangle rose pointé vers le bas. Andreas, le héros de la BD, l'a vécu, y a survécu et souhaite faire comprendre à son petit-fils cette partie sombre de sa vie qui en influencera tout le reste. Florine souhaitait partager également une autre bande dessinée avec vous, la très célèbre série de Maus, écrite par l'Américain Art Spiegelman d'après les entretiens échangés avec son père Vladek, rescapé des camps de concentration. Il utilise pour cela deux narrations, situées à deux époques différentes. L'une en 1978, où Spiegelman y raconte ses entretiens avec son père, et la seconde dans laquelle Vladek raconte lui-même son histoire du milieu des années 30 jusqu'à la fin de la guerre en 1945. Spiegelman choisit d'y représenter les Polonais sous l'apparence de cochons, les nazis sous forme de chats et les juifs en souris, Maus en allemand. Une lecture difficile mais nécessaire dont on ne ressort pas indemne d'après Florine. À titre personnel, ces œuvres me paraissent d'autant plus nécessaires au vu de l'actualité du moment qui nous ramène à nouveau à ce genre d'événement dramatique avec l'éclairage tout récent sur la mise en camp d'internement des peuples ouïghours par le gouvernement chinois. Je vous laisse vous documenter à ce sujet, mais ne laissons pas l'horreur du passé se reproduire une nouvelle fois. Cet épisode est maintenant terminé. Encore merci à Florine pour ses échanges d'expériences et de connaissances. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau feu de camp.